Amis humains, bonjour. Le financement du revenu de base par la location des robots. Écoutez. Pour donner une image, c'est comme si chaque citoyen était propriétaire d'un robot et percevait la location pour son utilisation, et c'est cette location qui constituerait le revenu de base inconditionnel et universel. Ce n'est qu'une image, en réalité tout se passerait à un niveau global. Quelques remarques préliminaires. 1. Ce système de financement du revenu de base n'est en rien opposé à d'autres systèmes qui ont été proposés. Au contraire, l'existence de plusieurs systèmes complémentaires est la garantie d'un ensemble pérenne et stable. 2. La vidéo Human Need Not Apply explique bien la situation en 15 minutes, aucun domaine d'activité ne sera épargné par la robotisation et l'automatisation. 3. Comme le souligne Isabella Kaminska sur Alphaville, le blog du Financial Times, ce que confirme Krugman, prix Nobel, la puissance des robots et de la technologie permettent certes de réduire le taux d'emploi. Mais plutôt que d'aider ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la technologie, les entreprises utilisent la puissance de leur monopole pour augmenter le rendement du capital. C'est ce qui explique la montée d'inégalités. 4. Dans l'article récent de XAR sur AgoraVox, l'intelligence artificielle pourrait mettre 50% de l'humanité au chômage, un extrait du commentaire de JPM. Il ne faut donc pas avoir peur du progrès mais bien s'assurer qu'il profite à tout et pas seulement aux propriétaires des machines. Le rôle de l'État, promulguer et faire respecter une loi qui réserve le monopole de l'achat des robots à un organisme contrôlé par l'État et les citoyens, organisme qui devrait assurer, d'une part, l'acquisition des robots, pris dans un sens large, au fur et à mesure des besoins, leur installation, leur entretien, les améliorations apportées par la recherche et l'innovation, la mise à jour des logiciels, et d'autre part, la perception des loyers. Comment financer l'achat des robots ? Par un emprunt qui serait remboursé par les montants de la location, avec une durée moyenne actuelle de retour sur investissement inférieure à 2 ans, voire, la robotique industrielle, guide pratique, avec des prix qui diminuent continuellement, en faisant jouer la concurrence et grâce à des achats massifs, on devrait pouvoir arriver à une durée de remboursement de 1 à 1,5 années. Étant donné la part importante et croissante des logiciels au niveau valeur de l'investissement, le rôle du citoyen grâce aux logiciels libres deviendrait primordial. Avantage pour les PME et TPE, pas besoin de chercher des financements pour l'achat, pas de soucis pour les entretiens, les mises à jour. En cas de fermeture d'une entreprise, les robots seraient redirigés vers d'autres entreprises. Voici quelques sites où vous pourrez télécharger, en PDF, des explications sur les recherches anciennes ou récentes. Acquisition et traitement d'images numériques avril 2008. Thèse de doctorat de l'Université Pierre et Marie Curie. Le développement industriel futur de la robotique personnelle et de service en France. Implantation optimale d'un robot en fonction d'une tâche à réaliser. Ancien mais intéressant. Technique de dématrissage d'images couleur. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.